Entraînement, page 66, activité 4, piste 56. Ils s'appellent Aline et Marc. Ils sont de Paris. Ils s'appellent Nicole et Luc. Ils sont de Bruxelles.